bâtard. La routine en en a marre, j'peux faire le tour du monde en Vespa. C'est fini les Bahamas, on voudrait habiter dans l'espace. Sur la lune pour toucher les stars, nous on t'allume pour toucher l'extar. Un poule qui prend des paris, bientôt des Big Mac en Somalie. L'être humain et ses manies, mais que va devenir ta mamie? Les instituteurs, les manifs, les restos du cœur, les manix. Des barbares et des idaïques, des petites rarbas qui jouent les caïds. Du shit dans les caddies, les femmes en lingerie, les barbus. I am in Nabila en nouvelle égérie chez Barbie. Puis sans lit par la racine, oh prof de mathématiques. C'est l'enfer juste derrière la rue Paradis. Marre de crier, on est défoncé au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine c'est l'audace. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Révolution Urbaine, avec Soprano aussi sur ce morceau. Le morceau c'est No Life. C'est ça. Avec Génération No Life. Génération No Life. Il est 20h pile, ou presque 20h. Un petit peu avant 20h, c'est le début de ce Planète Rap. Hier soir, on a eu une belle soirée, on a eu un beau live aussi. Hein. Merci. Je ne sais pas si vous comptez remettre ça ce soir, mais. Bien sûr qu'on compte remettre ça ce soir. Et tous les soirs, même s'il faut. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a fait un raccourci, parce que je crois qu'il y a eu 13-14 minutes de live. Mm-hmm. On a fait un raccourci, ça donne ça, Révolution Urbaine en live. En quelques rimes, je décris ma vie en live de ma ville. Ta famille, vas-y, démarre vite. Y'a les flics qui arrivent, esquive les cops. Sur le vieux port, en Clio de porte. À 13 001 km/h, ça vient du sud, un fort dans le corps. Les bis élégantes, accostées par les gars galants. Sirote un coca présent, tête à tête au bord des catalans. Prends les paris pour les courses de jet ski. Les nazis crapules te font la cour avec des wesh. Écoute, c'est du rap t'as ça, mon cousin. Révolution urbaine, mon cousin. Centre-vue, mon cousin. Quand tu flies, mon cousin. On kick, mon cousin. Quand tu flies, mon cousin. Écoute. Sur le terrain du rap au Copa, au point de corner, j'ai mat marqué des points, c'est Rolda. Je pars en guerre, le sky dissoudra l'MDMA. Je vais préterre, on ne plus d'un carré sur l'organe vocal. Pour nos frères, on défoncera les chars comme une équipe de spatiate. Ammoniaque, coq-cac et les billets de crap. Au cas où, attention, tarmac muni d'un pare-balle. On tue les bâtards sans moi et mon équipe de mafion. Mais c'est dans les bras. Il paraît que ça kick dans les cas. Dans les cas. Panama, Lyon, regard en gilon. Ça fait 7 piges, on est un. Je me vois piston déjà. À l'époque, me disant que peut-être dans 10 ans, on sera les kings, nous les gars. Même si les flics nous les cassent. Le shit qu'on régale, stick pour tes gars. Je vois ta clique dans les bras. D'après les schlags dans le rap, quoi. Le sud se dégrande. Voilà, un petit aperçu d'hier soir, du live d'hier soir. Je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Ouais, ils sont pas mal. Ouais, j'aime bien les rappeurs. Ils sont bons aussi. Et si vous voulez avoir l'intégralité de ce live, il est dispo sur skyrock.fm, sur leplanetrap.skyrock.com. Vous retrouvez la vidéo et les images de ce live et le son, évidemment, de Révolution Urbaine. Donc tout à l'heure, à pas louper, freestyle aussi. Bien sûr. Des extraits d'albums, qu'est-ce qu'on va passer ce soir, messieurs? Qu'est-ce qu'on va passer? Je crois qu'on va passer encore une exclusivité. Ah. Déjà, ça s'appelle Mon Héritage. Mmh. C'est un morceau qui parle de nous, vraiment. C'est notre morceau le plus personnel de l'album, on va dire. Comment vous bossez d'ailleurs les textes, et puis même cet album, vous l'avez bossé comment, vous tous? Ça commence par quoi? Par un son? Par plutôt un thème que vous avez, parce que vous êtes aussi vachement basé sur les thèmes. Hein. Mm-hmm. C'est vrai que le morceau No Life est peut-être un morceau un peu plus léger, même si ça parle de l'air du temps. Des fois, c'est un thème qui va venir directement à la tête et qu'on va vouloir aborder, donc peu importe l'instru. Et des fois, c'est l'inverse. On a une instru qu'on va écouter et qu'on va... Et qui va nous parler, qui va nous diriger en fait vers un thème plus qu'un autre. Mais dans tous les cas, je pense qu'on réagit à l'humeur. Et en fonction de nos humeurs et de nos envies et du moment, on fait tout ça au feeling. Mmh. Et voilà, et le mélange de tout ça donne aujourd'hui Cheval de Troie. Bon, et après, pour départager, parce que hier, je crois que c'était hier que vous avez dit, vous aviez enregistré une cinquantaine de morceaux. C'est ça. Ouais. Pour cet album, alors comment on fait? Pour en choisir... C'est compliqué. 16. Et ouais, c'est la démocratie après. Vote à main levée. Non mais c'est vrai, ça vote vraiment aussi. On vote. Ah, ça nous arrive des fois de. Il y a l'opposition, il y a tout. Et d'ailleurs, ils votent souvent. C'est le bordel parce que, attends, un groupe de 4, c'est. Ah ouais. Quand il y a égalité, c'est ça. Ils votent souvent à 3 contre 1. D'où Cheval de 3. C'est ça. Et voilà. Non, et ça vote vraiment. Oui, ça vote. C'était Ayam, je sais qu'Ayam faisait aussi beaucoup ça. Il votait. Ouais. La démocratie. C'est ça. C'est dans la tradition marseillaise. C'est ça. Donc, bon, chose importante aussi qu'on voulait dire, ouais. Qu'on voulait rappeler que c'est très important pour nous, mais de précommander l'album Cheval de Troie, il est disponible sur iTunes. Donc n'hésitez pas à précommander-le, c'est 7,90€, moins cher qu'un menu Maxi Best Of. Quoi, c'est tout 7,90€ en précommande. C'est tout, c'est tout. Moins de 10€. C'est discount. Bah, même moins de 8€. Même toi, je devrais le commander là dès maintenant. Ah, on pourra aller cliquer, aller chercher l'album tout de suite. Voilà. Tiens, dites-nous si vous voulez précommander, envoyez les captures d'écran, n'hésitez pas sur skyrock.fm via l'application aussi Skyrock un petit peu partout. Est-ce qu'on balance un morceau de Révolution Urbaine maintenant? Oui. Mon héritage, c'est parti. Peut-être pas l'exclu. Pourquoi pas? Si, derrière, d'entrée on a de encore jeu des exclus derrière. Ok. Allez. On fait des coups. Allez, mon héritage. Pour 3 mois s'il faut. Révolution Urbaine et Cheval de Troie. J-6, yeah, centre-ville, Marseille, Street Skills, Blue Magic, Révolution Urbaine, yeah. Mon inspi, mon âme, mon étui et son arme. Cette haine qu'on déballe, l'opéra et ses drames. Mon équipe, nos fans, comment savoir tout ce qu'ils valent. La tristesse et ses charmes, toute cette substance que l'on crame. La débrouille, mes embrouilles, piste par des vautours. La zic, mon recours, ma mort, mon retour. Ma vie, ma fille, mon fils, Céline. En suis vraiment digne, mon grand frère est le digne. Ma moitié, ma béquille, ma femme, ma chère, ma loyauté, à Blue Magic, ma plus grande richesse. Accéderai-je au paradis si je brave les enfers de vendredi à vendredi? Le drame est en herbe. Je peux pas prier, pas si près. J'ai vu leur projet, pas si près. Pitié d'un trop destiné. Mes valeurs, mes rêves d'un monde meilleur. Vos putes, vos coups bas, ma lutte, mon combat. Personne me trompera, la religion, mon seul contrat. Ton suite, ta père, mon Dieu, ma mère. Mes frangins, mon armée, mes ennemis, mes alliés. Ma femme, nos fous rires, mes photos, mes souvenirs. Mon blase machiavélique, mes coups de gueule, mes délires. Ton shit, mon herbe, ma suite, ton heure, mes textes et mon œuvre, ma chute, mon œil, le blue, ma team, Marseille, ma ville, tes larmes et mon sourire juste avant de mourir. J'peux pas plier, pas si près. J'ai vu leur projet, pas si près. Héritier d'un trône destiné. Nos futurs liés, nos âmes livrées. Au supplice de ce monde, j'y arriverai. J'peux pas prier, pas si près. Mon Dieu, quelle est longue arrivée. Nos futurs liés, nos âmes livrées. Yeah, à ma grand-mère qu'à la tête. Ma gamberge, j'ai toutes ces nuits passées à la plaine. À part mon père qui me fera le rappel. Rien à foutre, finir balafré. La vodka cicatrisera la plaie. Mes femmes, mes fils, bref, tous ces trucs à l'ancienne. Les hams, le fisc et tous ces fils de pute m'attendent à l'entrée. Ma bonne conscience, trop souvent mise entre parenthèses. Y'a ton petit frère et mon côté macho qui ne veulent pas rentrer. En fumette comme ce mec qui chantait One Blood. Dealer Nico, tous mes couples posés One Shot. Oui, j'ai fait tant d'erreurs, oui, j'ai fait tant de fautes. La tête dure, une grande gueule et j'oublie tant de choses. C'est le meilleur. Borzo. Yeah. Ce morceau, c'est pour Sony, Yacine. Yeah. Fabio, Portugal. Cheval de Troie. J-6. Skyrock. Planet Rap. Centre-ville. Marseille. Yeah. Après, l'histoire ne fait que commencer. Après Révolution Acte 2, voici, enfin l'album Cheval de Troie. Cheval de Troie. Vous retrouverez ce morceau Mon Héritage avec beaucoup de réactions, vous avez vu. Ouais, ça tue. Ça quand, tue. Tiens, regarde, message de Petite Périne. Quand on dans les exclus, c'est impossible de regretter d'avoir précommandé l'album. Merci, Petite Périne. Bravo, merci, Petite Périne. Bravo, bravo, bravo. C'est une tuerie, Angelito, qui nous envoie ça. Tuerie ce son à Nax. Allez-y, 41-759 ou avec le hashtag RUE sur Skyrock. RUE sur Skyrock. Attaché, vous envoyez tous vos messages. Révolution urbaine avec nous entre 20h et 21h. Est-ce que pour chacun d'entre vous, en tout cas pour les MC, il y a un rôle précis dans le groupe? Est-ce que ça se partage certaines tâches? Je pense quoi qu'aujourd'hui l'organisation ou le groupe existe de par notre partage des tâches. Je pense que chacun est conscient de sa propre force qu'il apporte au groupe. Et qu'aujourd'hui on part en mission, en fait. Chacun part en mission pour amener sa propre force. Par exemple, la bio que j'ai décortiquée, que j'ai reçue de vous, il y a un petit mot pour chacun. Par exemple, Machiavel, au sein du groupe, c'est le décortiqueur et l'explorateur de thématiques. C'est lui qui ramène les thèmes. Tu as vu ça? Tu en as halluciné toi-même. Mais chacun va avoir son petit mot. Hein. Ah. Pour Zino. Ah. C'est l'amoureux du flow et de la technique. Exactement. Ça, tu confirmes? Je confirme. Amoureux du flow et de la technique. Pour Brigante, c'est le chanteur qui donne une dimension mélodieuse au groupe. C'est bien dit. C'est bien dit. Et enfin, pour la mèche. Aïe. Le ciment. On attend le pire. Parce qu'il travaille au chantier. C'est le ciment du groupe. Et voilà, c'est le meilleur rôle. Tu vois, j'aurais pas été là. Chacun se reconnaît dans ces petits mots, dans cette petite phrase donnée sur votre bio. Hein. Je pense que oui. Oui, exactement. Même pour le ciment, la mèche, ça va pas. Des fois, oui, des fois, non. Il a les mêmes pleines de ciment. Voilà, vous pourrez retrouver aussi l'album dans les bacs, surtout ça c'est important, et vous faire aussi votre avis par vous-même avec les morceaux qu'on passe. L'album c'est lundi prochain, c'est Cheval de Troie. Ça arrive au galop. Ça arrive au galop. Cheval de Troie arrive au galop, la famille. Et petite question maintenant pour repartir avec l'album dédicacé justement avec l'album Cheval de Troie, 41-759 pour la réponse, avec le hashtag RUE sur Skyrock. Simple encore, puisqu'on vient de le dire à l'instant. Comment s'appellent les projets précédents de Révolution Urbaine? Question piège. C'est ça, c'est la question piège du soir. Allez, vous nous filez les noms des projets précédents de Révolution Urbaine. L'un ou l'une d'entre vous repart avec le CD dédicacé de Révolution Urbaine qu'on va retrouver dans un instant sur Skyrock. Un petit son de Young Money avec Drake. Allez, c'est parti, Trophies. Et puis juste après, autre son de la Révolution Urbaine à découvrir cette semaine. Planète Rap, c'est la famille. 20h-21h sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Révolution Urbaine. C'est nos invités toute la semaine entre 20 et 21 avec l'album qui sort dans 6 jours maintenant. Cheval de Troie à pas louper. Dans 6 jours à ne pas louper. Va le chercher ou on ira te chercher. Et nous avons donc le gagnant déjà par téléphone. Allô Dorian. Ouais, salut. Salut Dorian, comment ça va? Ça va et toi? Bah, je te présente Révolution Urbaine. Eh bah, bienvenue, t'habites où? Nancy, c'est ça, hein? Ouais, Nancy, ouais. Voilà, j'avais bien lu. C'est bon, j'ai réussi à lire le. Bonsoir. Le truc écrit là en face par Fab. Non, mais mec, t'as vu comment il écrit? Des pattes de mouche, quoi. Bon, Dorian. Ouais. Alors, j'ai posé une petite question il y a juste avant, tiens, là, juste avant le morceau là, du collectif Young Money avec Drake. Ouais. Comment s'appelaient les projets de Révolution Urbaine avant celui-ci, avant Cheval de Troie qui arrive lundi prochain? Le premier, c'est L'Histoire ne fait que commencer. Mmh. Vous confirmez? Le deuxième, c'est Révolution Acte 2. C'est ça. Vous confirmez aussi? C'est ça. Parfaitement, franchement. Et bah, l'album dédicacé, il arrive du côté de Nancy pour toi, plaisir. Dorian. Bravo. Ah, vous déchirez, les gars, franchement, vous déchirez. Bah, j'allais dire, ouais, t'as un petit message à leur passer, une petite question à leur poser, c'est le moment où jamais, Dorian. Bah, franchement, moi, ça fait longtemps que je vous écoute. Je me rappelle d'un titre, c'est Si tu pars, je pars. Waouh, ouais, ça fait vraiment longtemps. Ouais, ça date de l'histoire, ne fait que commencer, en fait. Ouais, bah voilà, c'est ça. Donc, ouais, franchement, vous déchirez. En plus, j'aime bien Marseille et tout ça. Ça fait chaud. Ça fait plaisir à entendre ça. On essaiera de venir à Nancy, Inch'Allah. j'espère. Encore des supporters de l'OM un peu partout. Hein. Et sinon, vous passez pas au pays des paraboles. Je vais noter. Comment par un. au pays des paraboles. Oui. Vous passez pas le titre. C'était la Révolution Acte 2. Ouais, là... c'était il y a un petit moment quand même, ouais, celui-ci. Ah ouais, 2012. Bah ouais. Là, cette semaine, on va essayer de mettre un maximum de son du nouvel album, Cheval normal, de Troie. Ouais. Bon, ouais, tu n'es pas déçu pour l'instant, t'as écouté les morceaux. Bah, franchement, ça déchire. Oui, merci. Et bah voilà, c'est lundi dans les bacs. Et bah merci à toi, Dorian. Et puis, vous gérez. Et bah, on te l'envoie dédicacé par toute l'équipe de Révolution Urbaine. Okay. Ciao. Vous gérez, les gars. Merci, Sky. Et puis, si vous faites une tournée, vous ferez tous ces morceaux aussi, je pense, en live. Bien sûr. Tournerait dans les anciens. C'est ça. Voilà, comme nous le disait Dorian à l'instant. Exactement. On va revenir dans quelques minutes. On mettra qu'est-ce qu'on a dit. Alors, il y a Les Enfants du Soleil qui a été très demandé, mais c'est le morceau qu'on a balancé hier. Ouais. Ouais. Donc, c'est normal sur les réseaux sociaux, comme les gens n'ont pas encore eu accès à la totalité de l'album. Mm-hmm. Donc, ils ont beaucoup demandé sur les pages Skyrock le morceau Les Enfants du Soleil. Oh, ça fait plaisir. Ça. Donc, soit on le rejoue, soit on met un autre titre, comme vous voulez. Non, on va le rejouer. On comme va faire vous plaisir voulez, aux auditeurs. Sinon, c'est comme vous voulez. Bon, vous savez quoi, on réfléchit pendant la pub. Bon, et on revient juste marche. Après là, dans un court instant. On fait un vote à main levée. Voilà, on va faire le vote la à main levée. Soit on met Les Enfants du Soleil, soit un autre morceau, une exclue de l'album. Dites-nous hein, d'ailleurs vous aussi ce que vous voulez avec le hashtag russe sur Skyrock. On revient après ça, bougez pas. Comme toi, Révolution Urbaine a choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et Planète Rap cette semaine, c'est avec Révolution Urbaine. On a voté, ça y est. Ils sont là, ça y est, vous avez voté pendant la pub. Oui. Ça a été dur, mais on a voté. Alors, juste pour résumer, ceux qui arrivent à l'instant sur Skyrock, on a voté, enfin, j'aurais demandé de voter. Soit repasser Les Enfants du Soleil qu'on a pu découvrir, en tout cas pour ceux qui étaient là hier, le morceau. Oui. Soit un titre inédit. En fait, on a décidé de passer les deux. Rien. Ouais, pas de soucis. C'est un bon vote, bravo. Mais alors, attends, on commence par lequel, c'est ça le bordel. Les Enfants du Soleil, en fait, vu que là, on voit que ça demande beaucoup. Et après, par message. On verra. Après, on vous mettra un inédit, Inch'Allah. Allez, c'est parti maintenant. On vous attend aussi au freestyle de Planète Rap dans un instant. Les Enfants du Soleil. Révolution urbaine. Giga per tabu. Storia di chi sminizzi un solo, lagrima scina odio, corazon cheio di oro, na rua ta mata compadre, no tanda cu diabe, toca seu soco padre, l'avançan si un cai. Viens faire un tour en bas de chez moi. Les favelas répondent ni à l'état ni à ses lois. Sous marijuana on attend le jugement final. Les innocents aux mains pleines veulent qu'on soit coupable. Les avocats témoignent pour que j'y laisse mon patrimoine. Les yeux vers le ciel, seul je contemplais la lune. Mon frère aîné est décédé dans la nuit. Je réalise que je vais céder à cette allure. Si ça continue c'est décidé, je les allume. Pendant que les touristes pensent à se mettre du monoeil, ils espèrent voir une pierre tombale à mon nom. Alors non, je n'irai pas baquer pour la monnaie. Allons bon, plus tard je serai une star du ballon rond. Parfois je rêve de gagner la bataille de Dolce & Gabbana, de bronzer à Copacabana. Mais la réalité s'abat contre toi, contre moi. La liberté j'entrevois. Giga per pabu odio, storia di che sminizzi un solo, lagrima scina odio, corazon cheio di oro, na rua ta mata compadre, no tanda cu diabe, troca seu soco padre, na avançan si un cai. Hijo de la calle, que se cree hombre, un bandolero que no respeta a su madre. Su único sueño ser el mero mero, un ladrón que no puede vivir sin dinero. Voici l'histoire d'un jeune perdu, sourire aux lèvres, venu en France respirer de l'air pur. Pas de raison que des excuses, le racisme prend du poids, donc mes mots je ne les pèse plus. Mon père n'a pas de taf et roule en Benz, ma mère attend les bons de la CAF et fouille les bennes. Au bord de la mer je me prélasse cool, y'a mes fratello plein de recoups, pas de quoi payer mon casse-croûte. Et si tu raillaves, tu bédaves, tu te la tchaves. Rappelle-toi que ces mots viennent de chez nous, poto, y'a pas de mal. J'ai dû partir et tout perdre, et puis j'ai regretté quand mes yeux se sont ouverts. Giga per babu odio, storia di che sminizzi un solo, lagrima scina odio, corazon cheio di oro, na rua ta mata compadre, no tanda cu diabe, troca seu soco padre, l'avançan si un cai. Ma la salvatrucha siempre. Don't play with on the FC. Dans la cité des anges, les ailes coupées par l'orée. All que je squat. With the family is a drug I smoke. Fuck todo enemies. Protège mon barrio avec mes carnales. Fais des virées carnage. Le corps rempli de tatouages et tendrage. Condescendable, juste un coin de rue nous sépare. Venu peut-être du même village, venu peut-être du même rivage. J'alimente les rues pour les tocs sans manque. Je fais cramer la cuillère quand des potes s'en vont. Fais des éloges funèbres pour des corps sans nom. Encore je m'enfonce, le diable m'accorde son temps. Je pense pas passer la trentaine, je pense pas passer la vingtaine. Je compte même pas passer la ruelle en fait. Je suis qu'un prisonnier de plus dans un gang. Et si ça t'enchante mon frère, Giga, pète pas pour autre. Storia de 15 minutes sans sol. Lágrima cheia na ocho. Coração cheio de ouro. Na rua tá mata compadre. Luta anda com o diabo. Troca céu, sou culpado. Levanta-se um cai. Rapproche-toi, viens voir. Storia de 15 minutes. L'histoire des enfants sans soleil. Lágrima cheia de ouro. Des larmes plein les yeux. Coração cheio de ouro. Le cœur rempli d'or. Na rua tá mata compadre. On s'encroche dans la rue. On marche avec le diable. Fumé pour toucher le ciel. Et relève-moi si je tombe. Marseille, centre-ville. Cheval de Troie. Malaika Production. Malaika Production. Yeah. Le 5 mai, c'est dans les bacs. Les enfants du soleil, à l'instant, c'est extrait de l'album Cheval de Troie qui arrive lundi dans les bacs. Inch'Allah, oui. Il est né comment celui-ci, les enfants du soleil? Ah, c'est le premier, on en a parlé. Ouais, on en a parlé, mais plus sur le thème, plus. C'est quoi? C'est une lecture de ce que vous avez vu, même, voilà, au. C'est trois histoires différentes. Trois petites histoires différentes. Trois petites histoires qui racontent le parcours de trois personnes d'un continent différent, en fait. Pour Abid, c'est à chaque fois trois minorités en fait dans un pays où il se trouve. C'est-à-dire pour le premier couplet, c'est Zino. Bon, Zino, c'est l'histoire d'un pauvre au Brésil. Dans une favelas. Moi, c'est un gitan en France. Et Gilson, c'est un mec du MS 13 à Los Angeles. Mec de Los Angeles. Mais le morceau, il a germé dans notre tête pendant une virée en Espagne, à Barcelone. C'est ça. On écoutait un morceau qui ressemble beaucoup. Don Omar et Tengo Los Calderón. Bandoleros. Los Bandoleros. Donc vous irez écouter, on s'est inspiré de ça pour faire notre refrain à notre sauce. Et pour créer ce morceau, donc, vous retrouvez sur l'album qui sort dans 6 jours maintenant, Cheval de Troie, Les Enfants du Soleil. C'est ça. Dans quelques minutes, autre nouveauté, une exclue. Une exclue, ouais. Qu'on va vous balancer, mais juste avant, il y a Crisco par téléphone. Allô, Crisco. Allô. Ça va bien, Crisco? Ça va, et vous? Wesh, les gars, bien ou quoi? Bien ou quoi, la famille? Bien, et toi, la famille? Ici, on est là. Tranque. Prêt à rapper, Crisco? Prêt à rapper, on Allez. Est là. Allez, eh ben, c'est parti, session freestyle par téléphone, on y va. Ouais. Crisco. Écoute, hein. J'ai écrit ce texte, c'est pour les frères enfermés derrière ces quatre murs à l'intérieur d'un pénitencier. C'est vrai que c'est pas facile de vivre là-bas, j'ai déjà mes écumés, j'ai déjà entendu des débats. À ce heure-ci, je suis content, j'ai sorti mon premier projet. Écoutez, ma mixtape, attention, c'est un danger. K-R-Y-S-K-O, j'ai oublié, tu me connais. Quand je foutais la merde, là les gens ont voulu me cogner. Aujourd'hui, je suis pas solo, je suis venu accompagner. Mon but est de vous mettre d'accord, moi du rap, je suis prisonnier. Les embrouilles de cité, les merdes déstabilisées. La justice est insultée par des petits verbalisés. En vrai, c'est ça qui se passe tous les jours dans nos quartiers. Faire de l'argent ça loupe propre pour mettre nos lunettes quartier. Écoute bien, c'est pas du rap pur et dur. Le diable veut ma peau car il est couvert de blessures. Ouais, ok, ça tête, ok, Crisco. Lourd. Ouais, c'est merde. Eh ben écoute, terrible, merci à toi. De rien. Petite dédicace, petit message à passer, on peut te retrouver sur le net. Je dédicace mes gars Poligno, Gildas, Maïs, Tichou, tout le reste, Garges, Corbu Commune, toutes les cités. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook KRYSKO et Twitter Crisco Officiel. Et pour les autres, vous pouvez retrouver ma mixtape qui vient de sortir sur Pluton, sur SoundCloud en téléchargement gratuit. Eh ben ça roule, merci à toi. Ok. À très vite. Ouais, à très vite. Ciao la famille. Ciao. Big up. Est-ce qu'on met un titre juste avant le live, avant le freestyle de Révolution Urbaine? C'est lequel que vous voulez passer en exclu maintenant? Ça s'appelle Pour Briller. Donc c'est un morceau qu'on a fait lors d'une virée en Suisse cette fois-ci. Avec grosse dédicace à Yvan Peacemaker. de Lausanne. Voilà, c'est un morceau qui nous tient à cœur, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Pour briller. Donc voilà, maintenant dis-moi ce qu'il nous reste pour briller au refrain. On compte sur vous pour tweeter la famille. Allez, c'est parti maintenant. Maintenant dis-moi ce qu'il nous reste pour briller. Ce qu'il reste pour briller. Des tempêtes on a bravé. Révolution urbaine on a gravé. Maintenant dis-moi ce qu'il nous reste pour briller. Ce qu'il reste pour briller. Des tempêtes on a bravé. Révolution urbaine on a gravé. Bon des barbares bar. Pite des sous, je me tape des barbares bar. Moi de barbarie comme dans les barbares bar. Petit canari on va te cry cry cry. Tasman brigandé. Sur tes CD, mec décédé. T'es 14 tu es en BCV. T'es ferré, le rappeur de ta bitch préférée. Classico, tu en prends qu'au ferré. Toto en mani, le mani mani man des mots. Depuis mani mani mal, c'est là du flow. Oh, Pérarisque, rap du cani caniveau. On visera pas les pneus en quadrivo. Shitcock, héroïna, oui à ça. Jill Scott, héroïna, Impala. Dans les rues de Crenshaw. Marseille, ça crée chaud. Beaucoup plus encore que ce qui raconte aux infos. Avis aux rappeurs et aux rappeuses qui pensaient avoir du buzz. L'envie de Mars sera à l'heure. Cheval de Troie va faire sauter ta gagne. Maintenant dis-moi ce qu'il nous reste pour briller. Ce qu'il reste pour briller. Des tempêtes on a bravé. Révolution urbaine on a gravé. Maintenant dis-moi ce qu'il nous reste pour briller. Ce qu'il reste pour briller. Des tempêtes on a bravé. Révolution urbaine on a gravé. Et y'a ces Z-I-N-O. Pour info je crois que j'ai plus de 1001. Flow, ciel gris, rouge sang, c'est la guerre. Ronde, fais un bleu pour un marron et un vert. Gros, vois le range, Rover, nique sa mère le camp. Go, tu ne deviens pas riche en grattant des bancs. Go, enculé, c'est pas les Marseillais à Caen. Go, on a les sans retour en direction de banc. Quand maintenant, dis-moi ce qu'il nous reste pour briller. Je crois qu'on a tout plié, il nous reste qu'à découpiller. Oui, on veut tout niquer, être sur le grand journal. Si on passe pas en télé, on kidnappe Cyril Hanouna. C'est la guerre, maman, les petits arrachent ton collier. Écoutez par les hamas, par les écoliers. Tant qu'on y est, on va te prendre un coup de pied. Dis à Sébastien Follin qu'il va pleuvoir des faux billets. Maintenant dis-moi ce qu'il nous reste pour briller. Ce qu'il reste pour briller. Des tempêtes on a bravé. Révolution urbaine on a gravé. Maintenant dis-moi ce qu'il nous reste pour briller. Ce qu'il reste pour briller. Des tempêtes on a bravé. Révolution urbaine on a gravé. Moi c'est M-A-K-I-A-V-E-L. Je vous ramène de la vibe, du flow et peut-être que tu veux prendre ma place, wesh t'es bête. Tu prêt à gâcher la fête, tu n'as une dans la tête. Ça sort les flingues, tu portes plainte. Y'aura toujours des cambus même si les portes se blindent. Les putes et le bling bling m'importe peu. On voit du bif, trop de la pesant la feuille de plainte. Les gyros allumés, allumés. Les indiens pensent qu'à bicrable qu'allumé. Dans la rue, azelé, la vengeance annulée, annulée. Vous n'aurez pas les épaules pour assumer. Tu peux ramener qui tu veux, on paiera le prix du feu. Je pense arrêter le rap, tu paieras comme en 2002. On vient écraser le jeu, toi rien que du blabla te. Je vais être obligé de sortir ma bite à qui la veut. Maintenant dis-moi ce qui nous reste pour briller. Des tempêtes on a bravé. Révolution urbaine on a gravé. Maintenant dis-moi ce qu'il nous reste pour briller. Ce qu'il reste pour briller. Des tempêtes on a bravé. Révolution urbaine on a gravé. Marseille centre-ville. Révolution urbaine. Cheval de Troie. Yeah. The magic. Avis aux rappeurs et aux rappeuses qui pensaient avoir du buzz. L'OVNI de Mars sera à l'heure. Cheval de Troie va faire sauter ta gagneuse. Ce qu'il nous reste pour briller. Ce qu'il reste pour briller. Les tempêtes on a bravé. Révolution urbaine on a gravé. Maintenant dis-moi ce qu'il nous reste pour briller. Ce qu'il reste pour briller. Les tempêtes on a bravé. Révolution urbaine on a gravé. Marseille centre-ville. Le 5 mai c'est dans les bacs. Cheval de Troie. Peace. Maker. Cheval de Troie avec ce morceau pour briller à l'instant avec toutes les réactions, ça gère. Allez-y, alors vous kiffez. Maintenant, ça c'est quelqu'un de chez vous qui a envoyé le message, qui est arrivé. Une tuerie rue sur Skyrock, voilà, lourd, lourd, flow de ouf. Comme d'hab, ça kiffe dur. Et bah, vous continuez à balancer tous vos messages avec le hashtag rue sur Skyrock. Merci. Et là, soyez prêts puisque maintenant, L'heure est venue de passer au live. Et je crois que hier, tu as oublié la Sky Roulette. Ah, c'est vrai. Tu voulais la réoublier. C'est vrai, non, je ne vais pas l'oublier. On la fera tourner juste après votre live. Donc, inscription tout de suite. 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone, si vous voulez passer à l'antenne, justement, avec Révolution Urbaine. Et faire tourner la roulette, partir avec des places pour aller voir Nawel Madani un peu partout dans toute la France. Ou la finale de la Coupe de France ce week-end au Stade de France. Allez-y, 41759. Et là maintenant on peut y aller. On va commencer le live par un morceau qu'on aime beaucoup de notre album qu'on va faire en live. Et après on part en freestyle. Eh ben ça tombe bien, c'est parti. Le bidon, Révolution Urbaine, J-6, cheval de Troie, précommande la famille. Yeah. Centre-ville, tu es là. Yeah. Qu'est-ce qui nous retient? Même la roue tourne et revient. Bloqué à croire que de Tchoura est mieux qu'un tien. Y'a de tout dans le paysage, mais il continue à nous dévisager. La haine comme héritage, et j'ai pas de mots assez fort pour l'image. Et même s'ils nous mettent à part, on se lève pas comme Rosa Parks. Le monde change, le monde change. Oui, mais dans le mauvais sens. Certains se dirigent vers les flammes, sourire aux lèvres avec un bidon d'essence. Ici bas t'étais comme son frère. Une fois en haut, tu ne seras plus qu'une connaissance. Cesse de courir à ta perte. Si tu veux que ça marche, frérot, n'attends pas la chance. Assis sur mon bidon d'essence, y'a des étincelles dans l'air, l'explosion sera immense. Vas-y, dis-moi à quoi tu penses, fais-je partie de tes rêves, sais-tu mon existence? Assis sur mon bidon d'essence, y'a de l'étincelle dans l'air, l'explosion sera immense. Vas-y, dis-moi à quoi tu penses, fais-je partie de tes rêves, sais-tu mon existence? Yeah. L'Amérique, la télé, Zépitre à l'Elysée. Le travesti n'est qu'un père de famille déguisé. Amnésique, tu n'as plus de souvenirs du lycée. 40 piges, il ne te reste qu'à braquer l'épicier. Je sais que c'est con, mais tu perds ton time. Tu détestes le monde de peur qu'on t'aime. La tempe face au calibre, tu pleures ton père. Tu vis sous cocaïne, tu meurs à la Kurt Cobain. Le vent souffle sur la ville. Les rats prennent la fuite avant que ne coule le navire. Dans le gouffre, on navigue. On a traîné dans la boue, la misère, on la bouffe, on la chie. Serais-je libre ou bien serais-je riche? La politique nous anesthésie l'esprit. Cerné par les cow-boys, cerné par l'insomnie. On n'est pas leur cobaye, arrêtons les singeries. Ils nous prennent pour des foualiers. Parfois même disent qu'on est bon à rien. Ils mettront ton enfant dans un foyer. Et tu sais pertinemment que tu n'y pourras rien. Nos soucis prennent de l'épaisseur. On maigrit sous antidépresseurs. Cheval de Troie, Révolution Urbaine, le 5 mai. Assis sur mon bidon d'essence, y'a de l'étincelle dans l'air, l'explosion sera immense. Vas-y, dis-moi à quoi tu penses, fais-je partie de tes rêves, sais-tu mon existence? Assis sur mon bidon d'essence, y'a de l'étincelle dans l'air, l'explosion sera immense. Vas-y, dis-moi à quoi tu penses, fais-je partie de tes rêves, sais-tu mon existence? Habitué à morfler, la seringue près des veines, peu importe le risque d'odé, dans les bras de Morphée, mes rêves ont les mêmes thèmes, sous les torrents j'ai révoqué, j'en ai déjà trop fait. C'est toujours les mêmes scènes et les chutes me font plus marrer, on se sent plus tombé. L'amour invite la haine dans des sauts de type endiablé. Ici tout ne tombe plus rond. Assez, oui assez, des hommes se jettent sous les ponts. L'avenir est tracé, devine qui tient le bâton. Et qui est sous les cartons. Gros ici c'est l'hécatombe. Quand les catacombes dévoileront leur tombe. Je vois la guerre depuis ma fenêtre. Le sang attaché mes vers. Pitoyable depuis le silex. Fausse impression de seul maître. Complexé par un mal-être. Voilà donc on va se perdre. Que Dieu pardonne nos réflexes. Mais pour le reste je m'inquiète. Yeah. Marseille, centre-ville. Cheval de Troie. Le 5 mai, yeah. Assis sur mon bidon d'essence, y'a de l'étincelle dans l'air, l'explosion sera immense. Vas-y, dis-moi à quoi tu penses. Fais-je partie de tes rêves? Sais-tu mon existence? Assis sur un bidon d'essence, y'a de l'étincelle dans l'air, l'explosion sera immense. Vas-y, dis-moi à quoi tu penses. Fais-je partie de tes rêves? Sais-tu mon existence? Yeah, Street Skills, dédicace à Nico the best. Yeah, Yacine, Sony, les sœurs égyptiennes, ma famille, tout le monde, le frère. Révolution urbaine, mais attends. Hein, on va vous proposer même un remix, je pense, de la Provence. Hein. Monsieur Machiavel, tu as quelque chose à dire? Tu as quelque chose à dire sur ce son? Je crois qu'on va dire quelque chose de nouveau. Vas-y, je te laisse la parole. Cheval yeah, de yeah. Révolution urbaine, dis-moi quels sont nos choix. Chômer ou aller voler, faire semblant d'aller voter, faire ton temps pour une beauté, faire n'importe quoi pour être coté. Tomber, puis la fois d'après se relever, sauter dans la dure éprouvée, sans donner son boulet, monter. Là qui pourra nous stopper, je me le demande. À part Dieu, on ne cesse de vous mettre tous à l'amende. On veut des millions, la tête sur les épaules en même temps. Et bêtement se dire que demain c'est maintenant. Y'a de la circulation, et ça parce que chaque homme veut être celui de la situation. Je saurais pas te dire pourquoi tous ces bâtards me visent. Je vis de musique et de débrouillardise. Marine, c'est ça qu'elle aime. Quand on se divise entre nous, quand ça tire, quand ça saigne. De la peur, de la haine qui sont nourris par vos clichés. C'est le roi de la triche qui condamne ceux qui veulent tricher. Viser, puis crédibilité épuisée. Partir en guerre sans l'accord d'un peuple que vous négligez. Faut-il plus de décimés? Dis-moi quand c'est qu'on s'y met. Parler de vraie révolution, pas comme en 68 mai. Tu t'en prends une à gauche, une à droite, une au centre. Encore à croire que la politique est innocente. C'est soit tu luttes à fond, ou soit l'occupation. Si je vous en dis un peu trop, ils arriveront par le plafond. Y'a tout le monde qui m'étonne, gros. Plus rien ne m'étonne. Quand t'attends un coup de main, bah tu te reçois un coup d'épaule. Pôle emploi, j'attends mon tour. Après le mec qui s'immole. Les impôts ne cessent de grimper, le salaire est minimum. Seulement quand vient la canicule, c'est là qu'on regrette le vent. Et puis quand vient le vent, v'là qu'on se plaint du sale temps. Après ils se demandent pourquoi la jeunesse veut tout niquer. Aucune justice égale aucune autorité. Mais attends, t'as quoi comme prod là? C'est quoi ça? Oh. Mais je t'en hey, révolution urbaine, okay. Yeah. Des chiffres et des lettres, ça donne. Vous êtes chaud les gars ce soir. Tout seul, je viens représenter les gens. DJ Miss, la légende, moi. Je vise dans les jambes. 3 pour l'État, à qui je lève le troisième. 3 4 pour tous les bâtards qui veulent même voir un 4 5 si tu portes l'œil, comme ça fait unique. 6 Inch'Allah, qu'un jour on roulera tous en X6. 7 jours sur 7, 2 jours comme de nuit. Après 8 heures, les vols se succèdent. Toujours dans nos rues, c'est une meuf comme la FF. Faut qu'on nique tout. Nique les casse, moi j'ai le numéro 10 de Zizou. Clic boum, c'est étrange depuis le 11 septembre. Ça plante après les 12 coups de minuit, ça étrange. Je représente le 13 entre ville Marseille. 14h, on se réveille si la daronne nous harcèle. 15 piges, on a la haine, on a évité la fête. À 16 piges, on voulait déjà kicker sur la scène. Le 17, c'est plus que civil et délit. Si on met le feu, vas-y, appelle le 18. 19, raison de te taire, non mais chute. 20 sur 20 pour les notes qu'on n'aura jamais eu. Ça c'est sûr, 21 ans, j'ai ni bac ni bafa. 22, 22, y'a les rams, si c'est la bac, dis hop. 23 balles. Le savoir est une arme, papa. 24 carats dans les bacs, c'est de la balle. Aïe, aïe, aïe. Attention, je commence par la lettre A. Face B ou face A, l'essentiel c'est que ça fasse mal. Pas de CDD, on vend nos CD en CDI. Cet été, pour la TT ou le Gold GTI. Je crois que le street CD c'est 10 Effectivement, fallait bien que j'insiste. J'ai la haine, la rage, donc vas-y, Kentaras. Avec ma tête d'arabe, j'aurais pas de belle baraque. À chaque texte, Sarah, voilà du gangstar. C'est HLM, Prada, Gucci, H&M, Zara. Ici, c'est le hood, centre-ville, easy. Chilson, Jeezy, Operano, ICG. Mes cassos, du quartier au casier. Tous les insos, lancés, ceux qui vont chasser. Qui font tourner par MMS, MSN ou MySpace. Le NCIS, à Wanted, nos salles. Au fait, moi, c'est Z-I-N-O. Je présente pour mon 1-3-0-0-1. Je représente. Ça sort le Q7, votre carapta Q7, R32 tu gères. J'ai vu moi, machin, là tu gères. Le succès ne nous fera jamais planer, tu sais. Sur la tête de ma mère, je garderai les pieds sur terre. UV, des MW, XYZ. Anti-flic en Z, N-A-K-V et YZ. Yeah, yeah, yeah. Aïe, aïe, aïe. Brigante. Yeah. Ok. Marseille, centre-ville, un maximum de bruit, s'il vous plaît. Yeah. On en a rien à foutre, leur ministère. Plus c'est qu'une boutique de fleurs face au cimetière. Dépose ton gun et lève ton poing en l'air. C'est R.E. ce soir pour un freestyle légendaire. Sur Skyrock, on en a rien à foutre le ministère. Plus vite c'est qu'une boutique de fleurs face au cimetière. Dépose ton gun et lève ton poing en l'air. C'est R.E. ce soir pour un freestyle légendaire. 3001, crime tubarão, gata nada com atum. Vive na street, nunca fui bom pra saúde. Deus tá com mim na fita, estou no tadalume. Bandeira na costa, cruz de Cristo na casa. Tá anda à vontade com pistola na minha lado. Gans misturado com tabaco americano. Mais um bocado, indo caspo de vulcano. E fervo só tá ferve, menino só tá cheer. E vemos tá mais quente com drambo e com sata baby. Antes na minha braga, que tive tempo pra diabo. Jancaça com fé, que costuma de xingado. Pigunhas do rapaz, cai na copinha. Coração mais preto que nem a color de pele. Pádia, pádia, fala de tudo e nada. Rua tem que voar, on en a rien à foutre leur ministère. Plus vicieux qu'une boutique de fleurs face au cimetière. Dépose ton gun et lève ton poing en l'air. C'est R.U.E. ce soir pour un freestyle légendaire. Sur Skyrock, on en a rien à foutre leur ministère. Plus vicieux qu'une boutique de fleurs face au cimetière. Dépose ton gun et lève ton poing en l'air. C'est R.U.E. ce soir pour un freestyle légendaire. Ma ville a beaucoup de valeurs ou de règles. On n'aime pas trop les tops dans l'économie souterraine. La drogue te tue à petit feu et te laisse au pays des rêves. Y'a pas que le monde qui estonne quand on est sous pollen. Vodka ou Heineken. On se cotise pour un pack de bière. Y'a que les mecs dans ville qui ne seront jamais des touristes sur la canne bière. Ici la drogue est une nourrice. Le père fouettard c'est la police. Mais ne crois pas qu'on agonise. On a la rage de père. Équipe posée au fond d'une ruelle. Abonnement annuel. Peut-être que demain la vie sera plus belle. Les flics nous berrent au champ des sirènes. Histoire de montrer qui règne. Mais je peux te dire qui rêve. On passe nos vies à trimer. Et quand on se met à rimer, on tendra le bruit d'une CBR à crimer. Le plus important n'est pas de peser. Peser sera pas plus lourd que tes péchés. On en a rien à foutre leur ministère. Plus vicieux qu'une boutique de fleurs face au cimetière. Dépose ton gun et lève ton poing en l'air. C'est R.E. ce soir pour un freestyle légendaire. On en a rien à foutre leur ministère. Plus vicieux qu'une boutique de fleurs face au cimetière. Dépose ton gun et lève ton poing en l'air. C'est R.E. ce soir pour un freestyle légendaire. Dans mon monde je me suis égaré. Les anges me font canner. Par le mal, par les femmes, le chétan et ses amis. S.O.S. à l'aide. Ici on se laisse aller. Par le système condamné sans arrêt depuis des années. Dans mon monde, l'avenir est voilé. Faut nettoyer la merde, y'a comme une odeur de toilette, c'est la galère. Vraiment si tu le souhaites, voilé. Tu ne me verras jamais appeler les restos du cœur. Foiré, que des voyous et des voyelles. Voilà ce que vous voyez. Leur dire ce que je pense. Je pense qu'ils le voilé. Là où les stars d'un soir rêvent d'un avenir étoilé. Là où les as et les rois tiennent les rênes devant les voilés. Dans mon monde, les pirettes du mari à carré. Carrément, les petits bellinos nous dit à garer. Pour un café, du sucre, l'addition est salée. Et si on tourne en rond, même si au fond c'est carré. Voilà du très rap. Pourquoi nous comparer? Tu verras, nous on s'en sortira. Combien tu paries? Hélas, trop de frères sont menottés au palais. La maman fait le ménage, ils nous ont dit du palais. Mais je t'en aïe. Marseille, dédicace à la Funky Family. Yo, yo, yo. Le monde part en couille, ils veulent tous se faire enculer. Mais je t'en ai par une poule, ou cuisiné par un poulet. Elle te fait courir, tout ça parce que t'es fou d'elle. Sache que prendre en toute fourrure, elle pourrait se faire fourrer. Ton malheur fait le bonheur de ceux d'en face. Nos rap, nos vies, je crois que tu confonds. Face aux flics, aux cifs, dis-moi que veux-tu qu'on fasse. Et pour le pédophile, le viol est un jeu d'enfant. Faut choisir entre rap et team. À vrai dire, on est tous perdus depuis l'âge de la tétine. Ceux qui chillent n'en ont rien à foutre. Marketing, les minos braquetines. Change de chemise à la braquetine. Tu oublies tes parents. Tu t'es pris parce que t'as tel la quarantaine. Tout le temps t'as l'air content et tu t'en contentes. Pourtant c'est l'avenir des autres que tu contemples. Bienvenue dans la ville où tout crame. Tout crame. À l'heure où ils sont tous calmes. Tous calmes. Paralysés, le temps de réaliser qu'on est peut-être calibré. Pas besoin de nous câliner. Si c'est shoot ça, Rokan. Rokan. L'air de Hogan. Hogan. Et les combos vêtent sur Notre-Dame. Notre-Dame. Analyser ma zone est balisée. Mon centre-ville est prêt. Ta mère fait à des obstacles. Obstacles. Microcosmos illégal. Dis-moi avec qui tu traites, je dis par quoi t'es temps. Opéra Ghost, Rudolph, impossible du marché à l'aise comme sans foire et brigandé. Armé, armé, d'envie, quartier nord ou quartier sud, saqué, saqué. Allez, allez, on débite, on débite. Les consignes pour dans le sud, saqué. PS5, mais c'est dans les bras. PS5, mais c'est dans les bacs. PS5, mais c'est dans les bras. PS5, mais c'est dans les bacs. PS5, mais c'est dans les bras. PS5, mais c'est dans les bacs. PS5, mais c'est dans les bras. PS5, mais c'est dans les bacs. Tire en l'air si tu veux effrayer les oiseaux. Roule-toi par terre ou mets un coup d'épée dans l'eau. Le rap s'apprête à faire un truc légendaire. Dans 5 piges on rappe avec des grands-pères. Tu crois qu'on dort, mais bien sûr qu'on élabore les classiques des métaphores. Et ta clique on met d'accord. Tu veux jouer, t'es nul comme un bleu. Je te fous la honte et là tu t'arrêtes rouge comme un feu. À vrai dire, y'a personne qui nous fait peur. À part le bon Dieu, non, personne qui nous fait peur. Un grain créateur, un brin fédérateur. Des jeunes rappeurs balayant les prédécesseurs. J'excelle dans ma discipline. Je te laisse les déficits. Pour toi c'est difficile. Je m'en bats les couilles de dire ce qu'ils pensent tout bas. Je m'en bats les couilles que mon place c'est le même que Tupac. Marseille, synonyme de la ville rebelle. On passe la nuit au check ou dans les discothèques. Toujours un slip au bec et des bouteilles qu'on pète. C'est la victoire qu'on fête. Même à 6h du mat, je suis tous les jours en. La concurrence est trop naze. Je vous aurais bien fumé, dommage. Et Chilix sera le coma. Cheval de Troie. Bon. Le 5 mais c'est dans les bacs. Est-ce que ça va la famille ce soir? Révolution Cheval de Troie. Révolution urbaine en live à l'instant. Bravo messieurs. Merci, merci Fred. Gros live une fois de plus. Merci. Et merci. Cette fois-ci, juste avant de se dire au revoir, j'ai pas oublié, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le spectacle de Nawel Madani, plus tes places pour la finale de la Coupe de France de football. Salut Élise, de plaisir, comment ça va? Ça va. Ça va, en pleine forme, tu connais la révolution urbaine avec nous? Oui, oui, bien sûr, ouais. Eh ben voilà, ils sont là, toi tu es prête à faire tourner la roulette, on y va, c'est parti? Ok, pas de soucis. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben voilà Élise, Coupe Merci. De France, la finale de la Coupe de France. Merci beaucoup. Eh ben c'est pour toi, il n'y a non pas une ni deux mais quatre places directement pour le Stade de France. Félicitations. Merci. Est-ce que je peux passer une dédicace? Vas-y, on t'écoute. D'accord, bah, je passe une dédicace pour mon poussin, Jeanne, Dédé, Théa, Alice et Pat. Et voilà, merci okay. beaucoup. Et bon, on te fait des bisous. Merci. Ciao, ciao, passe une belle soirée Élise, merci. À vous messieurs. Merci à toi Fred. Merci Fred. Demain de retour. C'est ça. Un petit peu avant 20h. C'est ça. Pareil. Avec un gros freestyle. Et s'il reste un peu de temps, on avait décidé de relancer live. Non, on est un peu juste parce que écoute bien, normalement Difool et toute l'équipe est là, ils sont installés. Yes. Ils sont là. Salut la révolution urbaine. Salut. On fera ça demain, on mettra tout ça demain. Qu'est-ce que vous voulez faire demain? Mettre le son live. Le morceau avec Soprano. Ah bah oui. Ben oui, la famille, le belge, la famille. Tout est... Non, c'était Samy, hein, mais. Oh, le belge. Je n'ai pas entendu. Ça fait mal aux côtes. Vous l'avez mixé, ouais. Ah, je vous parle plus. Vous avez pris un Marseillais pour un belge, ça c'est. Ça c'est chaud. Hein. Ouais, mais parce que j'ai parlé loin du micro. C'est ça. Sans ton accent. C'est marrant, vous avez remarqué, Samy n'a plus l'accent de Marseille. Ouais, c'est ça. Ça fait pas traîner avec vous, ça. C'est vrai que c'est un vrai Parisien. Non, mais c'est. Vous avez vu, c'est un vrai Parisien. Ouais, c'est un vrai de vrai. C'est fou, quoi. C'est combien de temps que vous êtes à Paris, la révolution urbaine depuis lundi? Un jour. Ça va, vous tenez le choc? Ça va. Il pleut un peu, mais ça va. Ouais, il fait un temps de merde. Ah, tu m'as dit. Dégueulasse. Bienvenue à Paris. Hein. Merci. C'est sympa. Bon courage, qu'à la fin de la semaine, vous êtes là. Merci. En plus. Voilà. Bonne soirée. Planète Rap, à pas louper, révolution urbaine, ça déchire, c'est tous les soirs, juste avant 20h, ça démarre, et juste avant 21h, nous on arrive, ça tombe bien. Exactement. Et ben voilà, ils sont là, en forme. Oui, ouais. et en force cette semaine. Demain soir, donc le rendez-vous avec le Soprano à pas louper. C'est ça. Et ben on sera là entre 20h et 21h. Une bonne raison de plus de venir demain pour Planète Rap. Voilà. Merci Fredo. Ciao, ciao. Salut Révolution Urbaine. Ciao, les mecs. Et rendez-vous demain, nous c'est et parti. À demain. Dans un instant. C'est parti avec Katy Perry, Jussie J. Ce soir, on a DJ Snake qui débarque dans l'émission. Ah oui, ça va être chaud ce soir. On va parler teuf, on va parler soirée. Putain, il y a les platines déjà. Des platines dans le studio. C'est la teuf. J'espère que la boule à facettes arrive aussi. Ah, on m'annonce l'arrivée de Cédric dans un instant. Tout va bien, la boule à facettes arrive. C'est bon, elle est là. C'est bon. Et toute l'équipe débarque, on vous attend en direct tout de suite. 01 53 40 30 20, vous nous appelez, faites péter le Facebook, le Twitter, le skyrock.fm, le difool.skyrock.com. Tu vas y arriver. Et tout le reste. Allez-y, on arrive tout de suite dans une minute sur Skyrock. À toutes. À toutes. Oh.